cours numéro 15. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala, الفصل الثالث في فوائد الإيمان وثمراته. Le troisième chapitre de ce livre, après avoir cité dans le premier chapitre la définition de la foi, les bases de la foi, Thomas dans le deuxième, les causes pour augmenter sa foi et les causes qui diminuent la foi. Enfin, dans ce troisième chapitre, il a cité الفوائد والثمرات. Et les fruits de هذا الإيمان. Et celui qui fait des efforts pour avoir la foi, pour augmenter sa foi, ça va avoir un impact sur sa vie de tous les jours. Des fruits, des choses profitables, fi dunya dans ce bas monde et dans l'au-delà. Tazkurun dans le verset, et c'est le verset sur lequel Shir Sa'di s'est basé pour écrire cette risale, قوله عز وجل لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Ça nous montre que l'Iman a des fondements, des branches. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أي هذه الشجرة, tu profiteras de ses fruits à chaque instant. بإذن الله عز وجل. هكذا شجرة الإيمان, هكذا l'arbre de la foi. Il a des fondements, des racines. Il a des branches. Ou hakada, des fruits. Dans ce troisième chapitre, rahimahullah, il a cité un peu plus de 15 fruits, 17. Et on va les lire. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-sadaq. Qala, kam lil iman as-sahih min al-fawaid wa thamarat al-ajilati wal-ajila. Beaucoup. Il a cité quelques fruits, rahmatullah alayhi. Wa illa, si il aurait voulu détailler et citer beaucoup plus de fruits, là chacun ça aurait donné un livre avec plusieurs volumes probablement. لكن في هذا المختصر فوائد كثيرة. Donc الفوائد c'est les profits que tu vas tirer de هذا الإيمان, les fruits bénéfiques. عاجلة c'est tout de suite, dans ce bas monde, tu vas en profiter. Et Adjila, c'est plus tard. Aïe, dans l'au-delà. Fil qalbi wal badan. Kadalik, ces fruits, ils concernent ton cœur et ton corps. Qal wal rahati wal hayati tayyiba. Fi dunya wal akhira. Al raha wal hayati tayyiba. Fi dunya wal akhira. Et c'est ce qu'on espère tous. En tant que croyant, on espère le hayat at-tayyiba fi dunya ici-bas et encore plus dans l'au-delà. Même les ennemis d'Allah Azza wa Jalla min al-kafara wal munafiqin, ils espèrent une vie heureuse ici-bas. Amma dans l'au-delà, ils n'auront aucune part, qu'ils espèrent ou pas. Donc, hadhihi al-thamarat, qui sont le fruit, et parmi les fruits, c'est avoir une vie heureuse, etc. La cause, c'est l'Iman. Une des principales causes, c'est de connaître sa croyance. De mettre en application هذا l'Iman. قال, وَكَمْ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ الْإِيمَانِيَ مِنَ الثِّمَارِ الْيَانِعَةِ وَالْجَنَ الْلَذِيذَ. الثِّمَار, c'est les fruits. Et cet arbre, l'arbre de l'Iman, vu que c'est un arbre, il a des fruits. Et ces fruits, ils sont très très nombreux. الْيَانِعَةِ, c'est التي طابت, c'est des fruits mûrs, des fruits que tu vas apprécier. Certains fruits ne sont pas encore mûrs, ils n'ont pas assez poussé, ou ils ont été exposés à certaines choses et ils ne sont pas mangeables. أما هذه الثمار فيانع قال والجنة اللذيذة أي الجنة ما يوجنا من الثمار, c'est en français ils disent cueillir. Ça prouve que ces fruits, ils sont tayyib, ils sont prêts à être mangés, et كذلك, ils sont faciles d'accès. Pour revenir à un arbre normal avec des fruits normaux, si cet arbre, il a des fruits mûrs, et ces fruits mûrs, tu as accès très facilement. Certains arbres, tu n'as même pas besoin de trop lever la main, le fruit, il est en face de toi. Tu n'as plus qu'à prendre, et tu manges, et c'est la vide, avec un bon goût. la chakana, tu vas profiter. Fahakada shajaratul iman. Des fruits mûrs et accessibles. Qala wal ukul ad-da'im wal khayr al-mustamir. Ad-da'im, tu profiteras de ces fruits ici-bas et dans l'au-delà. Wal khayr al-mustamir. Na'am, ce bien, il restera. Umur la tuhsa wa fawa'id la tustaqsa. Na'am, ils sont innombrables. Les fawa'id concernant l'iman. Qala wa mujmaluha. Avant de les citer en détail, il va citer l'ijmal. Et globalement. Qala anna khayrat ad-dunya wal akhirah wa daf' ash-shurur kulliha min thamarat hadhihi ash-shajara. Wa dhalika anna hadhihi ash-shajara idha thabatat wa qawiyat usuluha wa tafarra'at furu'uha wa zahat أغصانها وأينعت أفنانها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل. كما تقدم أن tout le bien, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, ça vient de ces fruits. من ثمرات هذه الشجرة. Bien sûr, بإذن الله عز وجل. Tout le bien qu'il y a sur terre et bien sûr qu'il y aura le jour du jugement et au paradis. C'est par rapport à هذا الإيمان. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ja'ala sabab al-khayr, c'est l'Iman, c'est la foi. Celui qui a la foi, qui fait des efforts dans la foi, plus sa foi, elle augmente, plus il profitera de ses fruits. Celui qui délaisse complètement cette foi, ou qui a des manquements, enfin par rapport à son délaissement ou ses manquements, il sera éloigné de ses fruits, de ce bien. Enfin, comme on le répète depuis le début du livre, et c'est al-fa'id al-azim qu'on retire de l'étude de ce livre, c'est que tahqiq al-iman, le fait de connaître la foi, pour pouvoir qu'elle augmente, pour pouvoir profiter de ses fruits, ça doit être le but de chacun de nous. Tout ce qui vient après, c'est par rapport à hadha al-iman. Imma, ça peut être utile, imma, tu vas en profiter, imma, tu vas t'en servir. Imma, ça contredit cette foi ou ça peut faire du mal. Enfin, celui qui a cette base, il adaptera sa vie de tous les jours par rapport à hadha al-iman. Prends un exemple tout simple qu'on vit tous ou qu'on a tous vécu, le travail. Le travail, c'est par rapport à l'iman. Le travail, si tu as une bonne intention, et c'est un travail bien sûr dans al-halal, c'est pas des choses interdites. Et ce travail ne t'écarte pas de ta religion, etc. Enfin, ça fait partie de l'iman si tu as une bonne intention. Et ça va t'aider pour appliquer l'iman. Tu vas travailler, tu vas pouvoir sortir à zakat, tu vas pouvoir faire le hajj, tu vas pouvoir faire des cadeaux à tes proches, tu vas pouvoir voyager, tu vas pouvoir acheter des livres, tu vas pouvoir. Voilà. Celui qui ne fait pas cette cause, peut-être qu'il aura des énormes manquements, peut-être que s'il ne travaille pas, ça va le pousser au haram. Tendre la main alors qu'il peut travailler, etc. Ça peut le pousser au vol, ça peut le pousser au mensonge. Si ce travail, il t'écarte de l'iman, ou c'est une cause pour que tu n'arrives pas à appliquer هذا الإيمان cette fois, i'lam annahu c'est une fitna. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils se posent la question, est-ce que travailler c'est permis, ou est-ce que c'est mieux de travailler ou pas, est-ce que c'est permis de faire telle chose. Si tu as cette règle, le travail ou autre, min umur dunya, c'est par rapport à l'iman, tu auras beaucoup de réponses. Maintenant, tu trouves un travail et tu ne peux pas faire la salat. C'est une fitna, c'est pas un travail. C'est une baloua, c'est une musiba. Maintenant, si, ayyadun billah, wahid, il accepte ce travail et tu travailles pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et tu fais pas salat à l'heure. Elle dit, c'est une musiba. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour l'adorer. Et une des adorations les plus importantes, c'est As-Salat à l'heure. Parmi les adorations les plus importantes, les adorations Al-Ibadat, Al-Badaniya, avec notre corps, c'est As-Salat. Ben, c'est l'adoration la plus importante après At-Tawhid. Enfin, si ce travail était loin de cette salat, tu es éprouvé, c'est une fitna. Cette épreuve, tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite, tu vas faire des efforts pour surmonter cette épreuve. Tu n'accepteras pas ce travail. Ou si tu travailles déjà, tu le délaisseras pour un autre travail et Allah subhanahu wa ta'ala te remplacera par meilleur. Lanna ja'a fil hadith anna man taraka shay'an lillah 'awwadahu Allah khayran. Si tu délaisses une chose pour Allah, Allah te la remplacera par meilleur. Imma al-insan Vu qu'il ne fait pas des efforts, tout ce qu'on a cité dans le chapitre précédent pour renforcer sa foi va faiblir et il va accepter ce travail. Qu'Anneau, s'il ne travaille pas, il va mourir de faim. Et jour après jour, en délaissant la salade, sa foi, elle va descendre, son foi, il va durcir, son cœur, il va durcir. Et Obama, il atteint une situation critique à Yedem Billah. Ah, là, c'est Moujarrad un exemple pour vous montrer un al-khayr kull fi dunya wal akhirah, c'est par rapport à l'iman. Fi l'akhirah, l'exemple, il est clair. On a celui qui meurt à l'iman, il fera partie de Ahlul Jannah. Quoi qu'il arrive, s'il meurt à l'iman ou à l'tawhid, il fera partie de Ahlul Jannah. Imma directement, imma il rentrera sans rendre de compte, imma il rentrera après avoir rendu des comptes, imma il rentrera après un passage en enfer, à la kulli hal, il rentrera. Le bien, il est par rapport à hadal iman. C'est pas min al hikma, c'est pas min al tawfiq de délaisser l'apprentissage de cette foi. C'est pas min al tawfiq de ne pas faire d'efforts pour apprendre al iman que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu comme révélation, la croyance, la aqida. Kadhalik, c'est pas min al tawfiq de ne pas faire des efforts dans l'ilm pour connaître ceux qui ont contredit hadal iman. Il y en a beaucoup d'années, ils appellent à la foi, à l'iman, et leur appel, il est fondé sur l'égarement. Al-Khawarij, wal-Mu'tazila, wal-Jahmiya, wal-Ash'ira, wa-Ha'ula-Mu'tazila, kullahum al-Harafu fi bab al-Iman. Donc, on doit être reconnaissant. Et cette étude qu'on fait ensemble, ça doit être une cause pour nous aider à continuer les efforts. C'est comme si Cheikh Saadi, rahmatullah alayhi, nous a donné une clé. Belle, si on reste dans notre exemple, c'est comme si Cheikh Saadi rahimahullah nous avait donné une graine pour planter cet arbre. Ou il nous a donné, vu que alhamdoulillah en tant que mu'min, chaque mu'min il a déjà cet arbre dans le cœur. C'est comme si Cheikh Saadi rahimahullah il nous avait donné les ustensiles, les outils pour prendre soin de cet arbre. Et nous, on doit continuer. Qala rahimahullah. Awwalan, après avoir cité globalement que tout le bien qui est ici-bas et dans l'au-delà, c'est par rapport à la foi. Thumma, il a cité des fruits en détail. Qala awwalan, le premier fruit, fa min a'zam thimariha al-irtibat bi wilayati Allah al-khassa allati hiya a'zam ma tanafasa fiha al-mutanafisun wa ajal ma hassalahu al-muwaffaqun. Le premier fruit, anna al-mu'min, celui qui a la foi dans le cœur et qui fait des efforts pour mettre en application. Enfin, si c'est un mu'min, forcément, ça devient un wali min awliya illah. Ça devient un allié parmi les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un fruit azim. Enfin, c'est pour ça qu'il l'a cité en premier. Qal fa min azam thimariha. Ça fait partie des fruits les plus profitables, les plus bénéfiques. Anna, si t'es un allié d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu as tout gagné. Isma, qal Allah ta'ala, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Tu vas profiter de en étant un wali parmi les awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas profiter de plusieurs autres fruits. Le fait d'être un wali, c'est une thamara azim. Et la cause, c'est l'iman, c'est la foi. Thumma, si tu es un wali, fa Allah subhanahu wa ta'ala qala ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auront pas peur et ils ne seront pas tristes. Ça c'est une faïda عظيمة. Allah subhanahu wa ta'ala, il préservera ce mu'min, son allié. لماذا لأن الله subhanahu wa ta'ala, il aime ses alliés. Il les protège, il les élève, il les guide. قال ثم وصفهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. On peut se poser la question, c'est qui haoula l'awliya que Allah il a cité dans le Coran? Allah Azza wa Jal, dans le verset suivant, il les a cités. Alladhina amanu wa kanu yattaqu. Ceux qui ont cru et qui craignent Allah Azza wa Jal. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité al-iman et il a cité at-taqwa. Al-iman, et ça englobe bien sûr la mise en application. C'est pas mujarrad une prétention. Imanun, bien sûr, dans le cœur, et imanun dans les paroles, imanun dans les actes. C'est pour ça qu'il a cité avec huna at-taqwa azza wa jal. Qala fa kullu mu'min taqi fa huwa lillah wali wilayatan khassa. Ça nous montre anna Al-wilaya darajat. Al-wilaya, il y a plusieurs degrés. Mathalan, wilayatu ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas comme wilayatu ceux qui sont venus après. Pourtant, ashaba radiallahu anhum, bien sûr, c'était des croyants. Ben, c'était les meilleurs croyants après les prophètes et les messagers. Et les croyants qui sont venus après jusqu'à aujourd'hui, enfin, c'est des croyants. Lakin, c'est pas le même degré. Fa kullu mu'min taqi, fa huwa lillah wali wilayatin khas. Tastafid kadalik anna chaque mu'min, c'est un wali. Limada li anna Allah azza wa jal qal, alladhina amanu, wa kanu yattaqun. Fa al-mu'min, même s'il a des faiblesses, des manquements, s'il a la foi et si c'est un croyant, il a un minimum de taqwa, ça fait de lui un wali. Lakin, al-awliya, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas tous au même degré. قال فكل مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصة. المحقق أفاد أن هذا الكلام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أي فكل مؤمن تقي فهو ولي لله. قال ولاية خاصة من ثمراتها ما قاله الله عنهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. انظروا هذه الولاية. Le fait que ce mu'min, c'est un wali parmi les awliyas d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un de ses alliés. Le fait d'être un allié d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça va t'apporter d'autres fruits profitables. La khouf alayhim wa lahum yahzanoun, taqaddam. Anna yawm al-qiyama, ils n'auront pas peur. Et ils ne seront pas tristes. Pourquoi? Parce qu'ils font partie des alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Même si fi dunya, ils sont touchés par certaines choses, certaines épreuves, yawm al-qiyama, ils seront en sécurité. Pourquoi? Parce que leur wali, leur allié, c'est Allah Azza wa Jal. قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Et ça, c'est une autre chose. En Allah subhanahu wa ta'ala, il les fait sortir des ténèbres et il les guide vers la lumière. قال أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. Et ça, c'est une ni'ma azima. En Allah subhanahu wa ta'ala, il les préserve de la mécréance et il leur facilite l'Iman. قال ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم. Allah subhanahu wa ta'ala, كذلك, il leur facilite l'apprentissage. Ou min dhulumat al-ma'asi la nur at-ta'a. كذلك Allah subhanahu wa ta'ala, il leur facilite de délaisser les péchés et de lui obéir. Ou min dhulumat al-ghafla ila nur al-yaqadha wa al-dhikr. كذلك Allah subhanahu wa ta'ala, il leur facilite al-dhikr, que leur cœur et leur langue ils s'occupent avec le rappel d'Allah azza wa jalla. Wa hasilu dhalik annahu yukhrijuhum min dhulumat ash-shurur al-mutanawwi'a ila ma yarfa'uha min anwar al-khayr al-ajil wal-ajil. Et comme une dhulumat, l'ignorance, l'ostentation, al-shirk ou al-kufr, al-ma'asi, les péchés, les grands péchés, les petits péchés, il y en a énormément. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait sortir ce abd, son wali, de ces mauvaises choses, il les guide vers les bonnes choses. Par rapport au degré de ce wali, à ses efforts. Allah azza wa jal, il est juste. Plus le mu'min il fait des efforts dans l'iman, plus son degré dans le wilaya, il augmentera. Et plus il a un rang élevé indallah, plus Allah subhanahu wa ta'ala il lui donnera sans compter. قال إنما حازوا هذا العطاء الجزيل بإيمانهم الصحيح وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى فإن التقوى من تمام الإيمان كما تقدم تحقيقه. وهذا تقدم معنا. Le lien entre l'Iman et التقوى. Quand ils sont cités ensemble, quand ils sont séparés, il a akhir. Ma nusra, on avait expliqué ça page 23. Cheikh Saadi, il en avait parlé, on avait commenté ensemble, walillahi alhamd. Kadhalik, on peut citer une autre thamara, min thamarat al-walaya, anna si ce mu'min, c'est un wali min awliya illahi azza wa jal, fa Allah subhanahu wa ta'ala, il le secourra contre ses ennemis. Kama ja'a fi al-hadith al-qudsi, anna Allah azza wa jal qal, man aada li waliyan, faqad aadhantuhu bil-harb. Si quelqu'un fait du mal à ce wali, cet allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla lui déclare la guerre. Et là, chacun d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il déclare la guerre à quelqu'un, cette personne, elle est dans une situation très, très, très, très dangereuse. Et là, chacun d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il déclare la guerre à ton ennemi, il t'élèvera, il te secourra et il te préservera. Al-inaya bi tahqiq hadihi al-walaya. Faire des efforts pour haqqaq hadihi al-walaya. Et comment on le haqqaq, on le répète en faisant des efforts dans l'Iman et dans le taqwa. Hey, le chapitre précédent qu'on a vu, toutes les causes pour augmenter sa foi. Deuxième fruit, ثانيا, ومن ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ودار كرامته عز وجل. Et ça, c'est une autre thamara. Et كذلك العظيم أن celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, etc., les piliers de la foi, qui fait des efforts pour mettre en application, qui craint Allah azza wa jal, là, il fera partie de Al-Faizun. Al-Fawz, c'est la réussite. Al-Fawz biridallah. Il fera partie de ceux qui ont réussi, et ceux qui ont réussi, c'est ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala radiya anhum. Et ceux qui ont gagné la satisfaction d'Allah azza wa jal. Et celui dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait, فَكَمَ تَقَدَّمْ Allah subhanahu wa ta'ala, il lui ouvrira les portes du khayr et le préservera contre le mal. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. Ça nous montre, comme on a vu précédemment كثيرا, et كذلك هنا c'est un rappel طيب pour nous, أن pour profiter de هذه الثمرات, de ces fruits, il faut حقق الإيمان. C'est pas مجرد une prétention. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les croyants et les croyantes. قال بعضهم أولياء بعض. C'est des alliés les uns des autres. Et c'est des alliés d'Allah Azza wa Jal, comme on a vu dans le premier fruit. Et من أعمالهم, parmi leurs œuvres, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لماذا؟ لأن الإيمان, il les pousse à cela. Ils n'acceptent pas de voir du mal. Donc ils font des efforts pour enlever ce mal avec la main s'ils peuvent. S'ils ne peuvent pas avec la langue, s'ils ne peuvent pas au moins avec leur cœur. Comme il y a dans le hadith d'Abi Saïd, radiyallahu anhu, il est fait sahih muslim. كذلك المعروف, quand ils voient que le bien n'est pas propagé dans un endroit, ou même s'il est propagé, ils appellent à ce bien. Ils appellent à ce bien. قال ويقيمون الصلاة. كذلك, ils donnent de l'importance et ils accomplissent la salat. قال ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. Ça nous montre que l'Iman, c'est fondé sur Ta'atullah wa Ta'at al-Rasul. L'Iman, c'est pas quelque chose d'héréditaire. L'Iman, comme on l'a déjà cité plusieurs fois, c'est pas une couleur de peau, c'est pas une origine. L'Iman, la foi, c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, alayhi salatu wa salam. Celui qui leur obéit, il profitera de ses fruits. Celui qui leur désobéit, par rapport à ses désobéissances, il sera écarté de ses fruits. Même s'il vient de telle famille, même s'il est né dans tel pays, même s'il prétend ce qu'il prétend, ça ne change rien s'il n'a pas l'iman, ou s'il ne fait pas d'effort et par rapport à sa foi. قال أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وردوان من الله أكبر. Après avoir cité ces récompenses, et ça c'est min thamarat al-iman, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a promis jannatin tajri min tahtiha al-anhar, un paradis avec beaucoup de choses, beaucoup de délices, fiha masakina tayyibatan, avec des demeures, etc. Après avoir cité ces récompenses, qal wa ridwanun min Allah akbar. Ay ridwan min Allah, c'est rid Allah, la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla, c'est akbar, c'est plus grand que tout cela. Dhalika huwa al-fawz al-azim. Fala shak anna la récompense c'est min al-fawz, lakin le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il soit satisfait de ce mu'min, de ce croyant, c'est encore plus important que la récompense elle-même. Et le paradis, les demeures, etc. قال فنالوا رضا ربهم ورحمته والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم. لا كوز سي كوا؟ قال عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات. الله سبحانه وتعالى il a spécifié cette catégorie de personnes, ceux qui ont l'iman. Ça prouve en la foi, c'est une cause pour pouvoir profiter de ce que Allah il a cité dans ce verset. Et la récompense du paradis est sa satisfaction et sa miséricorde. قال والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. تقدم التنبيه أن المؤمن fait des efforts pour s'améliorer lui-même et كذلك pour améliorer la situation des autres. بإذن الله عز وجل avec الدعوة, avec النصيحة, avec الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Si lui, il est sur le bien, il fait des efforts pour améliorer Kadal avec la situation des autres. Il fait du bien pour être une cause, en leur montrant, en les appelant au bien. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنكَرِ فَاسْتَوْلَوْا عَلَى أَجَلِّ الْوَسَائِلِ وَأَفْضَلِ الْغَايَاتِ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ. Donc, la deuxième thamara, le deuxième fruit, al-fawz bi rida Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi, il t'élèvera. Même si les autres ils ne sont pas d'accord. Si ton but c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, tu avanceras ici-bas, dans ton dîn, énormément. Et yawm al-qiyamah, tu atteindras les hauts degrés. Si ton but c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu suivras le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Personne d'autre. Tu suivras ceux qui suivent le Nabi alayhi salatu wa salam. Mais celui qui s'oppose au prophète alayhi salatu wa salam, tu ne le suivras pas. Même s'il a de nombreux suiveurs, même s'il est connu, même si... Amma, celui qui recherche la satisfaction d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala, il sera humilié ici-bas et dans l'au-delà. Et rechercher la satisfaction d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est rechercher la satisfaction d'un da'if, d'un faible. Qui qu'il soit, hada al-da'if. Les créatures, elles sont faibles. Wa khuliqa al-insan da'if. Et s'il est satisfait de toi, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Qu'est-ce qu'il va te donner? Et Kadal, s'il est satisfait de toi aujourd'hui, il peut être, ne plus être satisfait demain pour la moindre cause, la moindre chose. Amma, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as tout à gagner, akhil karim. Kadal, comment faire pour satisfaire les gens? Ils ne sont pas pareils. Si tu satisfais un tel, un autre, il sera insatisfait. Si tu arrives à convaincre un autre, tu tomberas en désaccord avec l'autre. Comment tu vas faire? Des milliers, des millions, des milliards d'êtres humains. Tu vas faire comment pour satisfaire Haoula? Amma, satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très très simple. C'est très très simple. Qala azza wa jal wa yuti'un Allah wa rasoula. En deux mots, ou trois mots. Ta'atullah, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et obéir à son messager alayhi salatu wa sallam. C'est très très simple. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité le chemin. Si on fait des efforts, Allah il sera satisfait de nous. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il est satisfait de nous, les gens ils seront satisfaits. Et les gens qui ont du khayr. Comme il y a dans le hadith, en Allah subhanahu wa ta'ala, إذا حب إنسانا نادى جبريل وقال له إني أحب فلان فأحبه. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il aime une personne, et s'il l'aime, c'est qu'il est satisfait de cette personne, il dit à Jibril, aime cette personne. Donc Jibril lui-même, il va t'aimer, il va être satisfait de toi. Thumma Jibril, il dit aux anges, Allah Azza wa Jalla yuhib fulan, fa ahibbu. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime un tel. Fulan ibn fulan. Thumma les anges qui sont fils sama, combien d'anges? Des millions, des milliards d'anges, ils t'aimeront. Ils seront satisfaits de toi, parce que Allah, il est satisfait de toi. Thumma, Allah subhanahu wa ta'ala, ou ja'a fil hadith, Allah Azza wa Jalla yaj'al lahu al-qaboul fil ard. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu al-qaboul fil ard. Et les gens bien, qui obéissent à Allah et à son messager, eux-mêmes ils seront satisfaits de toi. Ils verront tes principes. Vous avez remarqué que celui qui recherche la satisfaction d'Allah Azzawajal, il a des principes. Il ne se contredit pas. Et vu qu'il recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul moyen pour y parvenir, c'est obéir à Allah et à son messager, alayhi salatu wasalam. Donc être véridique, s'écarter de l'injustice, appliquer son dîn, le bon comportement, respecter ses engagements. Tu trouves, Haoula, ils ont des principes. Amma, ceux qui essayent de satisfaire les gens, tu les trouves, c'est ceux qui ont le moins de principes. Pourquoi? Quand tu veux satisfaire un tel, et il sait que maintenant c'est un fasiq, il va rentrer min hadal bab. Il va mentir avec lui, il va médire avec lui, calomnier avec lui. Quand ça va être avec un qui essaie de s'accrocher à son dîn, il va faire apparaître que c'est qui suit dîn. Quand c'est iyadun billah avec al-kafara, il va faire apparaître les principes de al-kafara. Hakada. C'est pour ça que ce genre de personnes, ils se fatiguent eux-mêmes et ils fatiguent les autres. Fal hadar. Encore plus à notre époque. Encore plus à notre époque. Léan, à notre époque, beaucoup de gens, ils se sont égarés, mais d'un égarement très très lointain. Enfin, si tu essaies de les satisfaire, tu peux perdre ton dîn. Et on le répète, tu n'as pas besoin de satisfaire un va'if. Essaye de satisfaire Rabb al-Alamin. Qala. ومنها الثالثم فروي أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار والإيمان ولو قليلا يمنع من الخلود فيها. On a cité هذا istitra dans le kalam, et il l'a cité rahmatullah alayhi huna dans le troisième. Et ça, c'est une thumra azim. Ces efforts que tu vas faire, akhil karim, c'est pas en vain. Ce ilm que tu essayes d'apprendre, cette mise en application, cette salat, hadha siyam, tu essayes d'aider les autres, al-hijra, etc. Comme une ibadah, c'est pas en vain. Si tu te rappelles, anna hadhihi al-ibadah qui fait partie de la foi, c'est une cause parmi les causes pour te préserver du feu, ça te facilitera. Qala al-iman al-kamil yamna' min dukhul an-nar. Ça nous montre an al-mu'minin, ils sont pas au même degré. C'est par rapport aux causes précédentes et qu'on a cité dans le chapitre précédent. Enfin, ceux qui ont une foi très élevée, iman kamil, fa haoula, ils rentreront pas fil nar. Ils rentreront directement fil jannah. Hatta akhbar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna certains rentreront fil jannah bila hisab wa al-adab. Ils rentreront al-jannah sans se faire châtier, bel sans hisab, sans rendre de compte, directement. بعض الناس قال والايمان ولو قليلا, بعض الناس ils ont un iman ضعيف, لكن vu qu'ils ont l'iman et vu qu'ils ont cette ni'ma azima, كذلك ils profiteront de ce fruit, لكن يمنع من الخلود فيها. Ha'oula, ils sont pas à l'abri de rentrer fil nar, لكن ils sont à l'abri de rester éternellement en enfer. Et ils resteront pas éternellement en enfer. Même s'ils rentrent fil nar à cause de certains péchés, à cause de certains manquements, يوم من الايام ils rentreront fil al-jannah. Enfin, ça nous prouve ماذا, ça nous prouve ان جميع المؤمنين rentreront fil jannah. لكن certains rentreront au paradis après un séjour en enfer et d'autres ils rentreront directement au paradis. قال فان من امن ايمانا ادى به الواجبات وترك المحرمات فانه لا يدخل النار. C'est pour ça que ashab al-iman al-kamil, pourquoi ils rentreront pas en enfer? لان leur iman kamil il s'écarte des péchés. Même s'ils font des péchés, لان واحد peut dire انهم ils sont pas infaillibles et on fait tous des péchés. لكن هؤلاء يتوبون, ils font tauba. Et Allah subhanahu wa ta'ala il leur pardonne. Celui qui fait tauba, Allah yatoub alayh. نعم. فلا شك ان الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات كذلك c'est une cause pour effacer les péchés. وهكذا. على كل حال المؤمنين ils sont de plusieurs catégories et bien sûr كمال الايمان, ceux qui ont fait beaucoup d'efforts, c'est le degré le plus élevé. قال كما تواترت بذلك الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاصل, كما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم انه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الايمان ولو يسيرا. Donc beaucoup d'ahadith qui montrent que des croyants ils rentreront directement au paradis. Ça c'est un fruit très très profitable de l'iman. C'est quoi la cause? C'est l'iman. Et d'autres à cause de manquements, à cause de péchés, etc., ils rentreront fin nar, Allah il ne leur a pas pardonné, et ils seront purifiés fin nar, thumma, ils rentreront au paradis. Enfin, le fait de rentrer au paradis, la cause c'était leur iman. Walou, si had al-iman il était qalil, même s'ils avaient peu de foi dans leur cœur. Rabi'an, la quatrième cause, ومن ثمرات الإيمان أن الله يدافع عن المؤمنين جميع المكاره وينجيهم من الشدائد كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. Ça c'est une ثمرة عظيمة. أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمنين. Il aide les croyants. Il les secourt. En tant que mu'min, en tant qu'être humain, en tant que créature faible, tu es touché par beaucoup de choses. Des ennemis qui veulent te faire du mal, des épreuves, des choses qui te rendent triste, des choses qui te font du mal à ton cœur, à ton corps, etc. Allah subhanahu wa ta'ala il secourt al-mu'mini bisabab al-iman. Inna Allah yudafi'u 'an alladhina amanu. Qala ay yudafi'u 'anhum kull makruh. Ay Allah subhanahu wa ta'ala il repousse ce qui peut faire du mal à ce mu'min. Yudafi'u 'anhum sharr ash-shayatin al-ins wa shayatin al-jin. Ça nous montre anna min asbab, parmi les causes pour repousser al-shayatin, que ce soit des êtres humains ou des djinns, faire des efforts fi al-iman. Inna Allah yudafi'u 'an alladhina amanu. Et ne pas désespérer. بعض الإخوة, ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية والشفاء للجميع, qu'Allah guérisse tous nos frères. Certains sont éprouvés par cette maladie, par un djinn, et ils ne doivent pas désespérer. Ce djinn il fera tout pour te faire du mal, pour t'écarter de l'iman, etc. Si c'est un ennemi parmi les ennemis d'Allah Azza wa Jal, Et anta, en tant que mu'min, tu ne dois pas négliger ce genre de verset. Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Tu es un croyant. Si ce djinn, c'est un kafir, il veut te faire du mal. N'aie aucun doute. Anna, c'est une épreuve. Faqat. Allah a été éprouvé. Il m'a à cause d'un péché, il m'a. Muhim. Tub ila Allah. Et n'aie aucun doute. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est yudafi'ank. Fais des efforts. Applique al-ruqya sans aucun doute. Ça nous montre un amin. C'est dans le cœur. Si on a cette conviction, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous secourra, il nous guérira. Qala wa yudafi'u 'anhumul a'da' wa yudafi'u 'anhumul makarih qabla nuzulha wa yarfa'uha aw yukhaffifuha ba'da nuzulha. Imma Allah subhanahu wa ta'ala t'épargnera de cette chose qui veut te faire du mal et la repoussera complètement. Imma cette chose elle t'a touché et كذلك Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'uha et tu en seras débarrassé aw yukhaffifuha aw au moins c'est allégé. Pourquoi? لأن المؤمن il est éprouvé. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut t'éprouver à cause de certaines choses. Il peut t'éprouver pour t'élever en degré. Fa'ala kulli hal, tu es à la khir. Et ça, c'est une bouchra azima pour le mu'min. Ajaban li amri le mu'min. Inna amrahu kullahu khir. Fa'in asabatu dharra sabara. Sabara fa'kana khir Allah. S'il est touché par une mauvaise chose, il patiente. Et c'est un énorme bien pour lui. Et donc, tu es sur le bien à la kulli hal. Si tu as l'iman, وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّا شَكَرَا فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ. Et s'il est touché par un bien, il est reconnaissant et c'est un énorme bien pour lui. Hadith Suhayb dans As-Sahih. Donc, le fait d'être mu'min, même si tu souffres, même si tu es éprouvé, le fait d'être mu'min, c'est une ni'ma. Et tu profiteras de هذه الثمرة. Même si tu es éprouvé par des maladies, par des épreuves, etc. N'oublie pas, le chemin il est encore long. Ne désespère pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te guérir aujourd'hui, demain, il peut te débarrasser de ce mal aujourd'hui, demain. Kadhalik, n'oublie pas, même si tu es éprouvé toute ta vie en Qatar, n'oublie pas, Nayyum al-Qiyamah. Ce jour qui est équivalent à 50 000 ans. Enfin, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les croyants, Allah il les préservera. Mais cette dunya, c'est pas un mizan. Cette dunya, c'est pas un mizan. Cette dunya, ça serait l'essentiel. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait tout donné à son prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. Le prophète, il aurait jamais goûté la faim, la soif, il n'aurait pas chassé de Mecca, il lui aurait pas fait de mal, etc. Laquelle cette dunya, elle vaut rien, rien d'Allah. Donc, ne crois pas que si tu es éprouvé, Allah, il ne te veut pas de bien. Abadan. بل جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا حب قوما ابتلاهم quand Allah il aime un peuple, il aime une personne, il l'éprouve. Cette épreuve c'est une ni'ma. C'est une ni'ma parmi les ni'ma d'Allah سبحانه وتعالى. Dans tous les cas t'es gagnant. فقط demande à Allah سبحانه وتعالى patiente et n'aie aucun doute. أن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام أنه نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يونس le prophète عليه الصلاة والسلام يونس il a été touché par cette épreuve et في الظلمات لما أكله الحوت quand il était dans le ventre de الحوت de ce poisson. Il a fait ce dua. La ilaha illa an subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Ça a duré un certain temps. C'est une épreuve azima. Il était dans l'obscurité, seul. Et tasawwur anta cette situation. La shakana. L'être humain dans ce cas, il a peur, etc. Il a fait ce dua. An la ilaha illa ant. Ad-dua bit-tawhid. Ça nous prouve maintenant celui qui a at-tawhid dans le cœur. Ce tawhid, il va le pousser à ne pas désespérer. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Et كذلك ça nous montre ان si on a fait une erreur, نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة. Et on reconnaît notre erreur et on demande à Allah سبحانه وتعالى. Et Allah سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. Allah il pardonne tout. قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. Allah سبحانه وتعالى il l'a sauvé. الغم c'est l'angoisse, ce qui préoccupe ton cœur. Allah سبحانه وتعالى il a sauvé son prophète Younous. وكذلك ننجي المؤمنين. Ça nous montre que c'est pas réservé qu'à Younous ou aux autres prophètes عليهم الصلاة والسلام. C'est pour tous les croyants. كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ C'est Allah qui sauve les croyants. Enfin, si tu es croyant, n'aie aucun doute que Allah subhanahu wa ta'ala, il te sauvera. Ici-bas ou dans l'au-delà. قَالَ إِذَا وَقَعُوا فِي الشَّدَائِدْ كَمَا أَنْجَيْنَا يُونُسْ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم دَعْوَةُ أَخِي يُونُسْ مَا دَعَ بِهَا مَكْرُوبٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ هذا الدعاء العظيم que يوسف il a prononcé que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité في القرآن الكريم سورة الأنبياء que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith sahih il nous a enseigné c'est une cause pour dissiper pour éloigner l'angoisse et la tristesse. Toutes les solutions elles sont dans le Coran et dans le Sunna. Lakin at-taqsir, les manquements ils viennent de nous ahyanan. Wa illa fa kam minna ahyanan on est touché par le gham, par le ham, par les problèmes, par les soucis, etc. Hada ad-du'a as-sahl. La ilaha illa ant, tawhid. Subhanak, tanzih. Et en Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'imperfection, pas de manquement, abadan. Enfin, on reconnaît at-tawhid. أن الله عز وجل يمرت لادوراسيون سول. كذلك on reconnaît en disant سبحانك أنه il n'a pas de manquement, pas d'imperfection, il est capable de tout. Donc, en disant لا إله إلا أنت سبحانك نفي وإثبات. Tu reconnais أن الله سبحانه وتعالى il mérite l'adoration. Pourquoi ? Parce que c'est le créateur, parce qu'il est capable de tout, etc. Et tu reconnais أن الله سبحانه وتعالى il n'a aucun manquement, aucune imperfection. Si tu as ces deux choses dans le cœur, tu n'auras aucun doute أن الله il est capable de tout. Et il est capable de te sauver. Quelle que soit ta situation. فَلِهَذَا قَالْ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ أَمَّا أَنْتَ En tant qu'être humain, tu es un être humain avec des manquements, avec des imperfections, avec des faiblesses, etc. فَلِهَذَا الدُّعَى Tu reconnais ta situation, tes faiblesses, tes manquements. Tu affirmes que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. C'est pour ça qu'il mérite l'adoration. Il n'a aucune imperfection, aucun manquement. Et ce dua, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال مَا دَعَ بِهَا مَكْرُوبٌ Al-karb, c'est les problèmes, les soucis, l'angoisse, etc. إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ Celui qui fait ce dua, Allah subhanahu wa ta'ala, يُفَرِّجَ عَنْهُ Allah subhanahu wa ta'ala, il le débarrassera de ses soucis. وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ أَيْ بِالْقِيَمْ بِالْإِيمَانِ وَلَوَازِمِهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَعْدٌ مِنَ اللَّهُ C'est une promesse d'Allah, عز وجل. تَأَمَّلْ قَوْلَهُ وَمَنْ Et quiconque a ce wasf, a cette caractéristique que Allah il a cité, at-taqwa, wa man yattaqillah. C'est quoi le résultat, le fruit? Yaj'al lahu makhraja. Ahyanan sahih anna, tu peux être dans une situation, tu as l'impression que toutes les portes elles sont fermées. Mathalan, la maladie. Ba'd al-muslimin, ils souffrent. Ils ont des maladies et des années qu'ils attendent et ils ont fait les causes et ils ont l'impression que toutes les portes sont fermées. Ça y est, rien n'est, les portes elles sont fermées. Si tu crains Allah, et parmi la crainte d'Allah, c'est de faire l'invocation citée précédemment, lire le Coran, s'écarter des péchés, se repentir. Tout ça, ça fait partie de la crainte d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lak makhraja. Une porte elle s'ouvrira. Ala bud. Hada. Qala. أي من كل ما ذاق على الناس ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا كذلك cette difficulté que tu ressens si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala il te remplacera cette difficulté par une facilité إنما العسر يسرا قال فالمؤمن المتقي ييسر الله أموره وييسره لليسرى Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien pour ses عباد si on craint Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala il nous facilitera. Faqat, on doit bien garder dans notre cœur que cette dunya, c'est sijn al-mu'min, ne pas se précipiter. Vous avez remarqué que al-kafir al-mujrim, adou Allah, en général, il n'a pas les soucis du mu'min, les épreuves du mu'min. Bel ba'dhum, ils sont dans des ni'am dunyawiyya en apparence, malgré qu'ils souffrent à l'intérieur. Kathir minhum, lakin, on parle niveau physique, niveau maladie, niveau argent. Kathir minhum, ils sont plongés dans le dunya. Si on comprend que cette dunya, Allah subhanahu wa ta'ala, il la donne à ceux qu'il aime et ceux qu'il déteste. Ça prouve que peut-être que Allah t'a privé de ta santé ou d'une partie de ta santé ou d'argent ou une partie de tes biens, il a akhiré, c'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est une épreuve, faqat. C'est une épreuve. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut t'élever en degré, tu as certains manquements, il veut t'élever et il t'éprouve, il a dit dunya, tu souffres. Enfin, tu es fini, tu es dans un énorme bienfait. Al-mushkila, le problème, et ça devient dangereux quand l'insan a des problèmes dans son dîn. Quand il a des problèmes dans son dîn, il est passé dans la salat, il est passé dans la science, il fait des péchés, il ne suit pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a des manquements. Et malgré tout cela, s'il n'est pas malade, il a de l'argent, il a une bonne situation au niveau dunya, le danger, il est là. Ça, c'est l'istidraj. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à Haoula beaucoup et il s'écarte encore plus. Dans ce cas, c'est là la situation, elle est critique. On doit avoir peur. Amma, tu es accroché à ton dîn. Tu fais des efforts pour apprendre, pour mettre en application. Tu as un manque d'argent, tu as des problèmes de santé. Alhamdulillah. Tu as des exemples. Fi anbiya'illah wa rasulih. Notre prophète Mohammed, il a été touché par la pauvreté. Hatta ja'a fi hadith Aisha radiyallahu anha, pendant 3 mois, ils n'ont pas allumé le feu chez eux. Et pour faire un repas, pour manger. Ils ont dit à Aïcha radiallahu anha, comment il faisait? Elle a dit l'aswadam, al-thamr wal-ma. Des mois, ils vivaient en mangeant des dattes et en buvant de l'eau. Ils ont été touchés par la pauvreté. Là, tu as un exemple, fi nabiyyi ka Muhammad alayhi salam. Tu es touché par la pauvreté, tu as un exemple, fi Ayyub alayhi salam. Des années de maladie. Asabahu al-dhur alayhi salam. Il a été touché par ce mal, par la maladie, il a souffert. Tu es accusé injustement, emprisonné, des problèmes de justice alors que tu n'as rien fait. Tu es un exemple. Fi nabiyyillahi Yusuf. Alayhi salatu wassalam. Wa hakada. Des exemples dans nos prophètes. Fala taqnat min rahmatillah. On répète, Anna, si tu as la conviction que ce bas monde, c'est pas l'essentiel, enfin, si tu es privé par une partie de ce bas monde ou éprouvé, alhamdulillah, ça ne doit pas te déstabiliser. L'essentiel, c'est que Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, quand on sera ressuscité, on fait partie des alliés d'Allah Azza wa Jal. Et on a rempli notre mission fi dunya en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Yawm al-Qiyamah et fi al-Jannah, le mu'min, il ne sera plus malade, il ne sera plus emprisonné, tout ça c'est fini. C'est ça l'essentiel. Même cette période qu'on vit, elle est très courte. Aujourd'hui, demain, après-demain, ça s'arrêtera. Ayyam qalil. Qala رحمه الله فالمؤمن المتقي ييسر الله أموره وييسره لليسرى ويجنبه العسرى ويسهل عليه الصعاب الصعاب أي الأمور الصعبة الله سبحانه وتعالى يفسلت لي شوز ديفيسيل que ce soit من أمور الدنيا أو من أمور الدين des choses ça peut être une difficulté au départ et Allah سبحانه وتعالى يفسلت المؤمن ويجعل له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Tout ça, il y a des adilas dans le Coran et la sunna qui le prouvent. Al-Ham, Allah subhanahu wa ta'ala, il le remplace par le faraj. Et ces soucis, cette angoisse que tu as dans le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il te la remplacera par la tranquillité, etc. Al-Dhir makhraja. Al-Dhir, tu as la poitrine serrée à cause de certaines choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera une issue. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Si on craint Allah Azza wa Jal et on fait les causes citées précédemment pour avoir la foi, pour l'augmenter, on craint Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donnera sans compter. Que ce soit risque par rapport à la dunya, à manger, à boire, un toit, des vêtements, etc. Et كذلك risque al-a'zam ay al-huda wal-ilm wal-amal al-salih. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera la science et il te facilitera pour mettre en application. Beaucoup de hadiths dans le Coran et le Sunna sur ces points qu'il vient de citer. Et il a cité le verset. C'est un délil à هذه الأمور والله أعلم. On a lu ensemble, ولله الحمد, les 4 premiers fruits. Le premier, al-irtibat bi walayatillah. Si on a lu wilaya à certains moments, c'était une erreur. Huna ad-dabt bi fath al-waw bi walayatillah. Al-walaya, et le fait d'être un wali lillah. هذه سين ثمرة عظيمة. لدوزيام فروي أن الإيمان يمنع من الدخول من دخول النار. أن الإيمان سين كوز pour ne pas rentrer en enfer أو pour ne pas rester éternellement en enfer pour ceux qui ont eu des manquements. هذه سلا ثوازيم. J'ai oublié la deuxième. Elle fausse bérée d'Allah. Elle m'a'min Allah subhanahu wa ta'ala, elle est satisfait de lui. Et kadalik, par rapport à son niveau, par rapport à son niveau de foi. Et la quatrième, wa min thamarat al-iman, an Allah yudafi'u 'anil mu'minin, jami' al-makarih. An Allah subhanahu wa ta'ala, il secourra son mu'min, il lui facilitera les choses. Il lui donnera une issue s'il est touché par des problèmes ou des épreuves. On a fait quatre causes, oh alhamdulillah. Prochain cours, on reprendra inshallah à partir de la cinquième. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa al-i'ana li jami' al-ikhwa. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu.